Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 89. Du rétablissement des vertus par la pénitence. Effet de la pénitence sur les vertus, sur les dignités, sur les œuvres faites dans la charité, et sur les œuvres faites sans la charité. 1. Les vertus sont-elles rétablies par la pénitence? Quand l'enfant prodigue rentra à la maison paternelle, son père ordonna de le revêtir de sa première robe. Luc 15, 22. Avec l'infusion de la grâce, d'où provient la rémission des péchés, reviennent toutes les vertus surnaturelles, lesquelles découlent de la grâce sanctifiante, comme de l'essence de l'âme dérivent toutes ses facultés. On peut dire, dès lors, que toutes les vertus sont rétablies par la pénitence. Note. Ce rétablissement est principalement l'œuvre du sacrement de pénitence, qui produit la grâce sanctifiante, d'où résultent, comme habitude, les vertus surnaturelles, voire même la vertu de pénitence. Cela ne signifie pas que les âmes pénitentes n'éprouvent plus, après leur conversion, aucune difficulté dans la pratique des vertus. Nous avons vu qu'il peut encore subsister en elles des dispositions contraires provenant de leurs anciens désordres, ce que nous avons appelé les restes du péché. L'homme vertueux lui-même fait le bien avec plaisir, et cependant le sommeil et d'autres indispositions corporelles lui suscitent des difficultés. Fin de la note. 2. L'homme se relève-t-il, après la pénitence, avec une vertu égale à celle qu'il avait auparavant? Notre volonté étant susceptible de dispositions plus ou moins satisfaisantes dans son retour vers Dieu, et la grâce nous étant donnée avec plus ou moins d'abondance dans le sacrement de pénitence suivant nos actes, l'homme, réconcilié avec Dieu, se relève tantôt avec une plus grande grâce que celle qu'il avait d'abord, tantôt avec une grâce égale, tantôt avec une grâce moindre. Nous devons dire la même chose des vertus produites par la grâce. Note. Les chutes profitent aux âmes qui en deviennent plus prudentes et plus humbles, mais plusieurs tombent et ne se relèvent point, d'autres se relèvent pour tomber encore. S'il est avantageux pour les élus de tomber, c'est en ce sens qu'ils se relèvent parfois avec une vertu plus solide. Fin de la note. 3. L'homme est-il rétabli par la pénitence dans sa première dignité? Le péché enlève à l'homme deux dignités, l'une devant Dieu, l'autre devant l'Église. Devant Dieu, il le prive à la fois de sa dignité principale et de sa dignité secondaire. La dignité principale, celle d'enfant de Dieu, se recouvre par la pénitence, ainsi qu'on le voit dans la parabole de l'enfant prodigue, qui reçut, par ordre de son père, sa première robe, son anneau et sa chaussure. La dignité secondaire, l'innocence, dont le frère aîné de l'enfant prodigue se glorifiait en disant, « Depuis tant d'années que je vous sers, je n'ai jamais manqué à vos ordres », Luc 15, 29, ne se recouvre pas, mais un pénitent obtient parfois davantage, car, selon la pensée de saint Grégoire, ceux qui déplorent leurs égarements peuvent réparer leurs pertes par de plus grands gains et donner une plus grande joie au ciel. Ainsi le soldat qui, après avoir fléchi un instant, presse courageusement l'ennemi, est plus aimé de son général que celui qui n'a pas pris la fuite, mais qui n'a rien fait d'héroïque. Devant l'Église, le péché qui rend un homme indigne d'exercer les fonctions du saint ministère, lui fait perdre les dignités ecclésiastiques. Or les saints canons défendent de les rendre à ceux qui ne se repentent pas, ou qui font pénitence négligemment, surtout lorsqu'ils ont encouru publiquement une irrégularité ou donné quelque grand scandale. Note. La pénitence parfaite peut, toutefois, leur faire obtenir leur réintégration dans le poste qu'ils occupaient. Saint Pierre, qui avait renié son divin maître, fut néanmoins établi chef de l'Église. Fin de la note. 4. Les œuvres faites dans l'état de grâce peuvent-elles être frappées de mort? Si le juste se détourne de sa justice, toutes les œuvres de justice qu'il aura faites seront oubliées. Ézéchiel 18, 24. Par similitude avec les êtres vivants, une chose qu'un obstacle empêche de produire son effet propre est dite frappée de mort, puisque les œuvres faites dans la charité ont pour effet propre de conduire l'homme à la vie éternelle, on s'exprime bien en disant qu'elles sont frappées de mort par le péché mortel, qui les empêche de produire cet effet. 5. Les œuvres frappées de mort revivent-elles par la pénitence? Les œuvres faites dans la charité ont été acceptées de Dieu, elles sont seulement privées de leur efficacité, en ce qui est de la vie éternelle, par l'obstacle du péché mortel. Cet obstacle enlevé, elles recouvrent la vertu de nous conduire à la vie éternelle, donc elles revivent. Note. Ces œuvres n'étaient pas frappées de mort en elles-mêmes, leur action était seulement paralysée par l'obstacle qui rendait l'âme indigne de la vie éternelle. L'âme écarte-t-elle cet obstacle, elle récupère leur vertu. Fin de la note. 6. La pénitence vivifie-t-elle les œuvres mortes? Quand je distribuerai tout mon bien aux pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, tout cela ne sert de rien si je n'ai pas la charité. 1 Corinthiens 13 3. Les œuvres mortes sont ainsi appelées, parce que, faites sans la charité, elles ne dérivent pas du principe de la vie spirituelle. La pénitence, ne pouvant en aucune manière les en faire procéder, ne les vivifie point. Note. Ainsi que le remarque Saint Grégoire, si Dieu se souvient des œuvres bonnes de leur nature, mais faites dans l'état du péché, ce n'est pas pour les récompenser par la vie éternelle, qui n'est due qu'aux œuvres vivantes, c'est-à-dire faites dans la charité, mais c'est afin de les récompenser par des biens temporels, comme on le voit par cette parole d'Abraham au mauvais riche, souvenez-vous que vous avez reçu les biens pendant votre vie. On peut croire aussi que les bonnes œuvres des pécheurs, tout inutiles qu'elles sont pour le ciel, serviront, au jugement dernier, à leur obtenir une condamnation moins sévère. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.